بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue donc la lecture de cette épître de l'imam Ibn Baz rahimahullah concernant les mœurs des gens de science. Il dit l'imam Ibn Baz rahmatullah alayhi والعلماء بالله هم أعظم الناس خشية لله وأكملهم في الخوف من الله والوقوف عند حدوده. Et les savants qui connaissent Allah, ce sont ceux qui ont le plus de crainte envers Allah. Et ce sont ceux qui ont la peur la plus complète vis-à-vis d'Allah et concernant le fait de respecter ses limites. Donc le fait de respecter les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit, Allah tabaraka wa ta'ala dit, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Certes, parmi ses serviteurs, ceux qui craignent Allah sont les savants. فَكُلُّ مُسْلِمٍ يَخْشَ اللَّهَ وَكُلُّ عَالِمٍ يَخْشَ اللَّهَ لكن الخشية متفاوتة فأعظم الناس خشية لله وأكمل الناس خشية لله هم العلماء بالله. Et donc chaque musulman craint Allah et chaque savant craint Allah. Cependant, la crainte diverge, la crainte a plusieurs degrés chez chaque individu. La crainte varie en fonction de la personne. Et ceux qui ont la crainte la plus élevée pour Allah tabaraka wa ta'ala, ceux qui ont la crainte la plus parfaite pour Allah tabaraka wa ta'ala, ce sont les savants qui connaissent Allah. Et donc ici on voit, parmi les mœurs des gens de science, il y a le fait de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Ce sujet est très important, barakallahu fikum, car celui qui ne craint pas Allah tabaraka wa ta'ala, comment peut-il enseigner aux gens leur religion? Et comment peut-il participer à la propagation de la religion de vérité? Et cela peut causer énormément de problèmes. Barakallahu fikum, je vous donne un exemple. On a ici un individu, subhanallah al-ali al-azim, un menteur. C'est rare que tu trouves un menteur comme ça. Il arrive à faire un écrit. Et ça, il y a plusieurs personnes qui témoignent de cela, qui ont déjà assisté à cela. Il arrive à te faire un écrit, ou alors un audio, ou autre, dans lequel il ment clairement. Il ment clairement. Et au final, il te dit, et de toute façon, nous allons nous rencontrer auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ya akhi billahi alayk. Tu mens. Et tu dis, on se rencontre auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça te montre que la personne n'a plus de crainte d'Allah Azza wa Jal. Elle n'a plus de crainte d'Allah Azza wa Jal. Elle ment pertinemment. Et elle te dit, de toute façon, notre rendez-vous est auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ah, qu'est-ce que tu vas enseigner aux gens? Qu'est-ce que tu vas enseigner aux gens à partir du moment où même tu n'as pas peur de mentir et de te retrouver auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala avec ce mensonge? Et donc, Barakallahu fikoum, j'attire votre attention sur ce point important. Le fait que tout en chacun, nous devons craindre Allah tabaraka wa ta'ala à tout moment, en tout lieu, que tu sois seul, que tu sois en public, etc., etc. Ensuite, il dit, le cheikh Ibn Baz rahimahullah, al-ulama bidinihi, les savants, concernant sa religion, concernant la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, laysu ulama al-tib, wa laysu ulama al-handasa, wa laysu ulama al-jughrafiyya, وليس علماء الحساب وليس علماء كذا وكذا. Il dit, ce ne sont pas les savants de la médecine ou de الهندسة, la science de l'ingénieur, ou alors de la géographie, ou les savants dans les maths, ou les savants dans ceci ou cela. ولكنهم العلماء بالله بديني. Cependant, ce sont les savants qui connaissent Allah, les savants dans sa religion تبارك وتعالى. وَبِمَا جَاءَ بِهِ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et ce sont les savants donc qui connaissent la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui connaissent ce avec quoi est venu le messager, son messager صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. وَعَلَى رَأْسِهِمُ الرُّسُولُ. Et certes, et leurs leaders sont les leaders de ces savants, ce sont les messagers عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Il y a, barakallahu fikoum, à notre époque, on a beaucoup de personnes qui qui cherche à leurrer les gens avec ce titre de savant ou en utilisant un titre mondain qui a été attribué à la religion, comme docteur, un doctorant. On a beaucoup de personnes qui, subhanallah, vont avoir un doctorat dans une matière qui n'a rien à voir avec le dîn, avec la religion. Et cette méthode, elle est souvent utilisée par les ikhwan. Tu vois, conférence d'un tel, de docteur un tel, de docteur un tel, de docteur un tel, docteur un tel, tu te renseignes, c'est quoi? C'est docteur en médecine, docteur en ci, docteur de ça, etc., etc., etc. Tu te demandes, mais il est où le lien entre tous ces doctorats et la religion? C'est comme ça. C'est pour les mettre en avant. C'est pour les mettre en avant. Et ce qui est dommage, c'est qu'on peut trouver certaines personnes qui s'affilient à la salafia et qui vont faire cela. Et qui vont faire cela. Comme, par exemple, on a dans certains écrits, si je ne me trompe pas, édition Taouba, dans certaines traductions, dans certains de ces livres, c'est marqué « Docteur D. Nabil Aliwan ». D. Nabil Aliwan. Alors que son doctorat n'a rien à voir avec les sciences religieuses. Strictement rien à voir avec les sciences religieuses. Et ça, c'est de la tricherie. Ça, c'est de la tricherie envers la communauté musulmane. Et donc, on doit faire attention à ça. Barakallahu fikoum. Ensuite, il dit l'imam Ibn Baz, rahimahullah, « Farrusul wal anbiya, hum ra'sul ulama ». Et donc, les messagers et les prophètes, ce sont les leaders des savants. « Wahum kudwatul ulama ». Et ce sont les exemples que suivent les savants. « Wahumul a'imma ». وَمَنْ بَعْدَهُمْ خُلَفَاءُ لَهُمْ. Et ce sont eux les imams. Et ceux qui viennent après eux les suivent. وَوَرَثُوا الْعُلَمَاءُ أَفْوَانْ وَوَرِثُوا عِلْمَهُمْ وَدَعَوْا إِلَى مَا دَعَوْا إِلَيْهِ. Donc ceux qui viennent derrière eux ont hérité de leur science et ils vont appeler à ce à quoi ils appelaient. جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. Comme il a été cité dans le hadith, les savants sont les héritiers des prophètes. Fajadirun bi ahli al-ilm wa in ta'akhkhara zamanuhum ka zamanina hadha jadirun bihim an yasluku maslaka awailihim al-akhyar fi khashyati Allah wa ta'zim amrihi wa nahyihi wal wuquf 'inda hududihi wa an yakunu ansaran lil haqq wa du'atan lil huda la yakhshawna fil haqq lawmat la'im. وَبِذَلِكَ يَنْفَعُ عِلْمُهُمْ وَتَبْرَأُ ذِمَّتُهُمْ وَيَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِمْ. Subhanallah. Quel bon conseil de l'imam Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. Il nous dit, rahmatullahi alayhi. Et donc, il est très méritoire que les gens de science, même s'ils arrivent à une époque qui est très en retard, une époque tardive, comme notre époque à nous, il dit, comme notre époque à nous, il est très méritoire que les gens de science suivent, empruntent la voie de ceux qui les ont précédés, les meilleurs qui les ont précédés dans la crainte d'Allah, dans le fait d'avoir un profond respect pour ses ordres et ses interdits, et le fait de respecter donc ses limites, les limites d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et le fait d'être de secourir la vérité et d'appeler à la guider. Barakallahu fikoum. Avant de finir ce passage que j'ai lu en arabe, on a ici l'imam Ibn Baz, rahimahullah, il appelle les gens de science et la communauté musulmane de façon générale à suivre les prédécesseurs dans la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala. On a l'imam al-Bukhari, rahimahullah, qui nous cite donc selon le Mas'ud, radiallahu anhu, qui dit « Inna al-mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa' alayhi wa inna al-fajr yara dhunubahu ka'dhubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. » Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il dit « Certes, le croyant, il voit ses péchés comme s'il était assis en dessous d'une montagne. » Et il a peur que celle-ci ne tombe sur lui. Le croyant, il a peur de ses péchés. Mais par contre, elle va agir. Le pécheur, le transgresseur, celui-ci, il voit que ses péchés sont comme une mouche qui se pose sur son nez. Alors il fait ça, comme ça, avec sa main. pour repousser la mouche. Et donc, le croyant, il a peur. Il a peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a peur du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a peur de ses péchés. Là, ici, Ibn Mas'ud, qui fait partie des compagnons d'Allah, des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout homme, tous, nous péchons. Mais allons-nous comparer nos péchés et les péchés de ces gens-là? Barakallahu fikoum, ce qui est surprenant à notre époque, c'est que tu trouves des personnes qui ont des péchés énormes, énormes, énormes, et qui n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur, comme l'exemple qu'on a cité tout à l'heure. Mentir, mentir, ou alors il te cite, il ment, il écrit un message dans lequel il ment, oui, c'est lui, il a fait ses premiers pas avec moi en islam, kazzab, etc., etc., il ment, et ensuite il nous dit, et je signe ce message sur le mont de Arafat, le jour du Hajj, taqillahi, tu fais quoi? T'es en train de signer un message rempli de mensonges le jour du Hajj? Tu n'as rien d'autre à faire que ça? Elle est où la crainte d'Allah Azzawajal? Tu n'as pas peur de tes péchés? Qu'il tombe sur toi comme une montagne. Non, c'est une mouche. C'est une mouche. Subhanallah. Et aussi, regardons, barakallahu fikoum, méditons sur le profond respect qu'accordaient les compagnons aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala et à ses interdits. Al-Bukhari, il cite selon Ma'qil ibn Yasar, radiallahu anhu, qui dit « Zawwajtu ukhtan li min rajulin » فطلقها حتى اذا انقضت عدتها جاء يخطبها. Il dit, j'ai marié ma sœur à un homme qui l'a divorcé jusqu'à ce que sa période de viduité soit terminée, et ensuite il est venu pour la demander en mariage. Et quand il est venu, il n'était pas seul. Dans certaines narrations, comme dans Jami'at Tirmidhi, on voit que il est venu, il y avait d'autres personnes qui voulaient se marier avec elle. Donc, il a divorcé cette femme, sa période de viduité s'est terminée, et là, il y a certains hommes qui se sont présentés pour se marier avec la sœur de Markel, et son ancien époux, lui aussi, il s'est présenté, lui aussi, il voulait se remarier avec elle. Alors, Markel, il a dit, « Kultu lahu. » On a aussi ça beaucoup dans la communauté. « Ah, t'as divorcé ma sœur. » Ah, frère, c'est mort, c'est même pas la peine de me dire quoi que ce soit. Alors, Marc, il a dit, radiallahu anhu, Zawwajtuka, wa afrashtuka, wa akramtuka, fa tallaqtaha, thumma jita takhtubuha. Je t'ai marié, je t'ai accordé un moyen d'avoir des rapports licites, j'ai fait preuve de générosité envers toi, et ensuite tu la divorces. Et maintenant, tu reviens à la demander en mariage. La wallah, la ta'oudu ilayka abadan. Non, par Allah, elle ne retournera jamais avec toi. C'est mort. Wa kana rajulan la ba'sabi. Wa kanat il mar'atu turidu an tarji'a ilay. Et c'était un homme qui était convenable, il était bien. Et sa femme, elle voulait, donc son ex-femme, elle voulait retourner avec lui. La femme, elle voulait retourner avec lui. Alors Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait descendre sa parole. Wa idha talaqtumun nisaa fa balagna ajlahun fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idha taradaw bainahum bil ma'ruf. Lorsque si vous divorcez les femmes et qu'elles atteignent leur période, leur viduité, et qu'elles atteignent leur viduité, alors ne les empêchez pas de se remarier. Ne les empêchez pas de se remarier avec leurs anciens époux s'ils sont d'accord, s'ils ont un accord de façon convenable. Alors Marc, lorsqu'il a entendu ça, et donc fastaqada li amrillah, et donc il s'est soumis, il s'est plié, il a obéi à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a été cité dans la narration de Tirmidhi que lorsqu'il a entendu ça, il a dit « Sam'an li rabbi wa ta'a ». Il a dit « J'écoute mon Seigneur et je lui obéis ». Vous imaginez, donc cette personne il est énervé contre un homme qui, selon lui, a fait injustice à sa sœur et qui a touché à son honneur aussi, selon lui, etc. Et donc, après cela, lorsqu'il entend la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, « Sam'an laka ya rabbi wa ta'a ». J'obéis à mon Seigneur, j'écoute mon Seigneur et je lui obéis. Et dans une autre narration, toujours dans Tirmidhi, il a dit, il a appelé cet homme et il lui a dit, Ukrimuk. Il lui a dit donc, Nam, viens, Uzawijukawa Ukrimuk, viens afin que je te marie et que je fasse preuve de générosité envers toi. C'est comme ça qu'ils étaient les salafs. C'est comme ça qu'ils étaient les salafs. Voilà leur comportement. Et c'est pour ça que je le dis et je le répète. Le comportement, le bon comportement, c'est le comportement que tu trouves dans la sunna. C'est le comportement que tu trouves dans le Coran. C'est le comportement que tu trouves chez les salafs. Mais aujourd'hui, ce que les gens veulent essayer de nous montrer, le bon comportement, le fait de ne pas parler, le fait de ne pas mettre en garde, le fait, etc., etc., etc., tout cela, c'est du mensonge. Tout cela, c'est du mensonge. Et ces mêmes personnes-là qui nous citent ça, eh bien, en fait, après, eux, vu que la critique fait partie du mauvais comportement, eh bien, eux-mêmes, ils vont tomber dans le mauvais comportement, puisqu'ils vont critiquer les salafis. Puisqu'ils vont critiquer les salafis. Puisque leur règle à eux, c'est pas de critique, sauf contre les salafis. C'est ça la règle. La règle, c'est pas de critique, sauf contre les salafis. Et donc, ils vont tomber dans la critique quand même. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, de bien comprendre cela. Et donc, il dit l'imam Ibn Baz, rahimahullah. Et donc, les gens de science, ils doivent être donc comme les pieux prédécesseurs dans le fait de secourir la vérité. De secourir la vérité. C'est pas tu connais la vérité. Tu sais très bien qu'il y a un tel, c'est un injuste. Et tu restes là, tu ne secours pas la vérité. Tu dis. C'est une fitna, cette ambiguïté, comme ils nous répètent tout le temps. Et les gens de science doivent appeler à la guider. La yarshauna fil haqqi lawmat la'im. Concernant la vérité, ils n'ont peur de rien. Ils n'ont pas peur que les gens les blâment, que les gens leur fassent donc des reproches. Ensuite, il nous dit l'imam Ibn Baz. وَبِذَلِكَ يَنْفَعُ عِلْمُهُمْ وَتَبْرَأُ ذِمَّتُهُمْ وَيَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِمْ. Il nous dit, et c'est par cela, et c'est avec cela que leur science sera profitable. Subhanallah. Hein? Combien ils vont étudier chez les ulema? Combien ils vont étudier dans des universités? Combien ils voyagent, ils vont étudier? Et ensuite ils reviennent, c'est qui tourne. Ils se taisent. Ils voient des gens dans des munkarat, dans des péchés. Ils voient des gens dans des déviances. Ils voient des gens tomber dans des fitanes, comme la fitna d'Ibn Hadi et d'autres. Et ils se taisent. Ils se taisent. Ils ne vont pas secourir la vérité. Ils ne vont pas appeler les gens à la guider. Ils ne vont pas suivre la voie des pieux prédécesseurs dans la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le fait donc de respecter profondément ses ordres et ses interdits, ainsi que ses limites. Ils ne vont pas faire tout cela. Et le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il nous dit, et c'est ainsi, donc c'est en faisant tout cela, que leur science sera profitable. Tu veux une science profitable, barakallahu fik, œuvre avec ta science. C'est ça la science profitable. Tu veux une science profitable, il t'est obligatoire d'œuvrer avec. C'est pas de partir étudier chez les ulémas. Machallah, il y en a plein des frères qui veulent partir maintenant. Il y en a plein des frères qui veulent partir étudier, etc., etc. Mais barakallahu fik, akhi, attention, hein. C'est pas partir étudier, prendre de la science et puis ça s'arrête là. Non, t'as une mission après. Une fois que tu as cette science, il faut assumer derrière. Tu as une responsabilité, tu dois assumer, ne pas avoir peur que les gens te critiquent. Et c'est ça le bon comportement. Et c'est ainsi que leur science sera profitable. Il nous dit donc l'imam Ibn Baz, et c'est ainsi que leur science sera profitable. Et c'est ainsi qu'ils auront accompli l'obligation qui leur incombe. وَتَبْرَأُ ذِمَّتُهُمْ. Et c'est ainsi qu'ils auront accompli l'obligation qui leur incombe. Lorsque tu vas secourir la vérité, appeler les gens à la guider, ne rien craindre en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est ainsi que tu auras accompli l'obligation qui t'incombe. Ce n'est pas en te taisant, en restant là à attendre que les choses se fassent. Et c'est ainsi que les gens vont profiter d'eux. Faqaluhu subhana, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. يعني الخشية الكاملة فالخشية الكاملة لأهل العلم وأعلاهم الرسل والأنبياء. Et donc il dit donc la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Et donc parmi les serviteurs d'Allah, ceux qui le craignent, ce sont les savants. Ce qui est voulu, c'est la crainte complète. Et certes, la crainte complète, elle est pour les gens de science. Et donc, et le plus haut degré des gens de science, ce sont les prophètes et les messagers. Thumma al-amthal fal-amthal. Puis, donc, ceux qui les suivent en cela, parmi les gens de science, ala hasbi taqwahum lillah, en fonction de leur taqwa, en fonction de leur crainte envers Allah tabaraka wa ta'ala, wa hasba si'ati ilmihim, et en fonction de leur science, en fonction de leur taqwa et en fonction de leur science, et wa ala hasbi quwwati imanihim wa kamali imanihim wa tasdiqihim, et aussi en fonction donc de la force de leur force de foi et de la perfection de leur foi. Et donc il continue l'imam Ibn Baz rahimahullah, il nous dit wa lamma qala ba'd as-sahabati lamma sa'alu an 'amali ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi sir, et lorsque certains compagnons, lorsqu'ils ont interrogé concernant les œuvres du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était seul, ils ont interrogé donc les femmes du prophète concernant cela. فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا, et donc c'est comme si ils ont donc vu que les œuvres du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas si difficiles, si lourdes que cela. Alors, ils ont dit أَيْنَ نَحْنُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. Ils ont dit, que dire de nous? Qui sommes-nous à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs? Et donc lui, il a ces œuvres-là, mais nous, on peut faire plus encore. Nous, Allah ne nous a pas pardonné nos péchés passés et futurs. Et nous dit l'imam Ibn Baz rahimahullah, comme fi sahih min hadith Aisha radhiyallahu anha, comme on le trouve dans sahih, le hadith de Aisha radhiyallahu anha. Fa qala ba'duhum, amma ana fa usalli wa la anam. L'un d'entre eux, il a dit, me concernant, je vais prier et je ne vais pas dormir. C'est-à-dire, je vais prier la nuit et je ne vais pas dormir. Wa qala al-akhar, amma ana fa asum wa la uftir. Un autre, il dit, me concernant, je vais jeûner et je ne vais pas donc me nourrir, je ne vais pas manger. C'est-à-dire, je vais jeûner tous les jours. Je vais jeûner tous les jours. Wa qala al-akhar, wa amma ana fa la anam ala al-firash. Et un autre, il dit, moi, je ne vais pas dormir. Je ne vais pas dormir, donc, sur un lit, je ne vais pas dormir sur donc dans un espace de repos. Wa qala al-akhar, wa amma ana fa la akulu al-lahm. Un autre a dit, me concernant moi, je ne vais pas manger de viande. Fa balagha dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa khataba an-nas wa hamida Allah wa athna alayh. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette information lui fut parvenue. Il a donc fait un discours aux gens, il a loué Allah tabaraka wa ta'ala, fait ses éloges. Puis il a dit, Ama wallah, inni la akhshakum lillah, wa atqakum lahu, walakinni usalli wa anam, wa asum wa uftir, wa atazawwaju nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Et donc, l'un d'entre eux, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, certes, par Allah, je suis celui d'entre vous qui craint le plus Allah, qui a le plus de crainte envers Allah et le plus de piété envers lui. Cependant, je prie et je dors. Donc dans la nuit, je prie et je dors. Asum wa aftir. Je vais jeûner aussi et je vais donc rompre certains jours. Certains jours, je vais jeûner et d'autres jours, je ne vais pas jeûner. Et je me marie avec les femmes. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Celui qui délaisse ma sunna ne fait pas partie des miens. Et donc ici, barakallahu fikum, on voit ici l'importance de comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre exemple dans la crainte d'Allah. Il nous dit, ana akhshakum, inni akhshakum lillah wa atqakum lahu. Je suis celui d'entre vous qui craint le plus Allah et qui a le plus de piété envers lui. Et donc aujourd'hui, une personne qui vient nous faire croire que le fait de mettre en garde, que le fait de critiquer une personne alors qu'il y a des raisons qui justifient cela, une personne qui vient nous montrer que cela n'est pas du bon comportement, on va lui dire, est-ce que tu as un meilleur comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et on va lui montrer les textes qui font partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui appuient cela. Et donc il est important, barakallahu fikum, de comprendre l'importance du bon comportement, et celui-ci, on le tire de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant le mariage aujourd'hui, il y a certains qui veulent nous faire croire que celui qui veut se marier, c'est un pervers, ils veulent nous faire croire. Ou alors c'est une personne qui ne baisse pas son regard, etc., etc., etc. Le prophète, il nous dit, « Faman ragiba an sunnati falaysa minni. » Celui qui délaisse ma sunna ne fait pas partie des miens. Barakallahu fikoum. Il faut qu'on fasse attention à nos propos. Il faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Il faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Tu vas accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas baisser son regard. Tu vas accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam de perversion. Et donc le fait qu'une personne cherche à se marier, c'est un signe de perversion maintenant. Attention, je ne nie pas que beaucoup sont éprouvés par le fait de ne pas baisser leur regard. Je ne nie pas cela. Mais ce que je veux dire, est-ce que le simple fait de chercher à se marier signifie que tu ne baisses pas le regard? Il faut faire très attention. Il dit l'imam Ibn Baz, rahimahullah, « Fabayyana alayhi salat wa salam, annahu akhshan nas » Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que c'est lui qui craint le plus. « Wa annahu atqan nas lillahi » Que c'est celui qui a le plus de piété envers Allah. « Wa a'lamuhum bima yuttaqa » Et que c'est lui qui se connaît le plus ceux dont nous devons nous méfier. Alayhi salat wa salam. Wa hakadha ar-rusul qablahu hum a'lamu an-nas billah. Et c'est ainsi que les prophètes, les messagers avant lui, c'était eux qui connaissaient le plus Allah. Wa atqahum lillah. Et ensuite, et ce sont ceux qui avaient le plus de piété envers Allah. Thumma yalihim al-ulama ala maratibihim. Et ensuite, les savants vont les suivre en fonction donc de leur degré. ولكن لا يلزم من كمال خشية الله والخوف منه أن يكون معصومين من الخطأ. Cependant, le fait que les savants aient une crainte parfaite et complète envers Allah tabaraka wa ta'ala, cela n'implique pas qu'ils ne tombent pas dans l'erreur. بل كل عالم قد يخطئ. Mais tout savant peut se tromper. Femeta, et là, c'est important. Femeta ben lahul haq raja ilayhi. Lorsque la vérité lui apparaît, alors il revient. Ça, c'est quoi ça? C'est une caractéristique des savants, une caractéristique des gens de science. Hein? Il ne va pas s'entêter. Lorsque la vérité lui apparaît, il revient. Ce n'est pas comme celui qui va appeler Cheikh Oubaid al-Jaberi, « Ya Cheikh, est-ce que tu peux intercéder en ma faveur auprès de Abu Ayoub, qu'il retire sa plainte au tribunal, etc. etc. » Et que le Cheikh lui dit « Oui, bien sûr, je peux intercéder en ta faveur, je peux contacter Abu Ayoub. Mais juste, il faut que tu reviennes. Il faut que, de la même façon que tu l'as critiqué ouvertement devant tout le monde, et que tu as mis le micro, etc. Ben, même chose, tu fais pareil, tu reviens, et tu annonces que tu te corriges, etc. Non. Quand tu vois une personne qui est comme ça, que lorsque la vérité lui apparaît, qu'il a mal fait, et qu'il veut que l'injuste y retire sa, qu'il veut que l'opprimé retire sa plainte, on lui demande de revenir sur ses propos, sur son injustice, il ne veut pas. Quand tu vois que ton cheikh, il est comme ça, pourquoi tu ne le délaisses pas? Qu'est-ce qui t'empêche de le délaisser? Ne vois-tu pas qu'ici, il a un comportement qui ne fait pas partie du comportement des gens de science? Les gens de science ont des mœurs. Ils ont un comportement. Ils suivent le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vois-tu, est-ce que ton cheikh, ici, il suit le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Hâte, réponds à ma question. Est-ce que ton cheikh, il suit le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Et donc, il est important, barakallahu fikoum, d'apprendre le comportement du Coran et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Kullu bini Adam khatta » Tous les enfants de Adam, khatta, donc, font des péchés. « Wa khayrul khatta'in at-tawwabun » Et les meilleurs parmi ceux qui font des péchés, ce sont ceux qui se repentent. « Fa'ala talib al-ilm an yataharra al-haqq bidalilihi wa yajtahida fi dhalik » Et donc, l'étudiant en science doit rechercher la vérité avec sa preuve et faire des efforts en cela. Il doit demander à son Seigneur qu'il lui accorde la réussite et le secours. Car tu peux faire les efforts que tu veux. Tu vas faire talab al-ilm. Tu vas étudier à Médine ou ailleurs. Tu peux faire les efforts que tu veux. Si Allah ne t'accorde pas la réussite, tu n'auras rien. tu n'auras rien. Alors mets ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala et demande-lui la réussite. Il continue l'imam Ibn Baz rahimahullah, wa yukhlis an-niyya. Et donc il fait attention à avoir une bonne niyya exclusive pour Allah tabaraka wa ta'ala. Fa in akhta'a ma'a dhalika falahu ajrun wahid. Et si malgré tout cela, il a fait des efforts pour chercher des preuves, etc. Il a une bonne niyya, il a demandé à Allah qu'il lui accorde la réussite. Si malgré tout cela, il se trompe, alors il a une récompense. Et si il est sur la vérité, alors il a deux récompenses. Comme sahhat bidhalika as-sunnah an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on trouve cela dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fal khashyatu lillah taqtadi al-wuquf 'inda hududillah wa as-sayr 'ala manhaj rasulillah. Elle nous dit donc le fait de craindre Allah implique le fait de respecter les limites d'Allah et de suivre le manhaj, de suivre la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La crainte d'Allah implique cela. Si tu crains Allah, tu dois suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on arrive à distinguer le comportement de celui qui craint Allah et donc celui qui va suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le comportement de celui qui ne craint pas Allah. Il ne va pas suivre la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam. On va arrêter là pour aujourd'hui. Incha'Allahu ta'ala.